يقول السائل إنه يريد رأيي في الكلام الذي يسمعه من بعض دعاة الإخوان في كندا. يقول أنا أسمي البيئة الأوروبية والأمريكية بدار الشهادة بدلا من دار الحرب ودار الإسلام، ودار الشهادة تعني أن نكون شهداء على الناس. المنطلق الأول في رأي هذا كلام واحد من الإخوان، يقول يعني الذي نقله السائل، المنطلق الأول في رأيه يبدأ من اعتبار أن هذه الأوطان بلدهم، فهو من الأوروبيين والأمريكيين ويأخذون من بيئتهم كل الأشياء التي لا تتعارض مع الإسلام. أما بخصوص الأشياء التي يرى البعض أنها مناقضة للإسلام فلا بد أن نرجع فيها إلى الفقهاء وما تقول العلوم الإسلامية، أو أن نأتي بفتاوى أو بوجهة نظر للمصالح العامة للمسلمين، لكن هذا يجب أن ينطلق بعد فهم جيد للوجود الإسلامي في أوروبا. يقول هذا القائل الإخواني، المنطلق الثاني هو عدم اعتبار أن هناك مشكلة قائمة بيننا وبين القوانين الغربية ولا مع العلمانية، إذ مشكلتنا الأساسية التي تواجهنا هي وجهة نظر الناس في الإسلام. فبخصوص العلمانية يجب أن نوضح للأوروبيين ولغيرهم أننا لا نخلط بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية، وهذا الخلط ليس موجودا في الإسلام، فنحن عندنا فعلا العبادات والمعاملات، وإذا كانت العبادات تتمثل في العمل بمقولة لا اجتهاد مع النص، فإن المعاملات مبنية على الانفتاح وتنطلق من مقولة الأصل في الأشياء الإباحة ما لم تقيد بتحريم. فهذه القواعد يجب أن نقولها للناس، إذ نحن نميز بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية، ونأخذ من القرآن والسنة والتوجيهات والمقاصد في البابين، ونستثمر العقل في الأمور الدنيوية، وهو الأمر الذي لا يفهمه حتى بعض المسلمين. يقول هذا الإخواني، وبالتالي فنحن نقول إن العلمانية من حيث هي حرية التدين والاعتقاد معطى مضمون في الإسلام، إذ ليس لنا مشكلات في هذا الباب. أما من حيث حرية المعاملات فالأمر متروك للأفكار ومفتوح للاختلافات، وهي أمور من صلب الإسلام شريطة أن لا نفهم العلمانية على أنها لا دين، ونفهم أن للدين دورا مهما في المجتمعات على نحو ما يقر به العديد من البروتستانت والكاثوليك واليهود الذين حاورتهم. فيقول هذا الإخواني، فهو كمواطن أوروبي مسلم له قيم لا يعتقد أنها تتعارض مع العلمانية إذا فهمناها على وجهها الصحيح، بعيدا عن الفهم الضيق لبعض المثقفين في مصر أو تركيا على سبيل المثال. فالعلمانية التي جاء بها الاستعمار ليست العلمانية التي نجدها هنا في الغرب، حيث كانت العلمانية الاستعمارية ضد الإسلام، ولكن العلمانية هنا في أوروبا باستثناء بعض المثقفين الفرنسيين لا تقول إنها ضد الدين، حيث إن العلمانية في أوروبا تفرض التعايش وأن تكون الأديان حرة. يقول هذا الكلام لطارق رمضان، وهذا الكلام الذي قاله طارق رمضان هو كلام ضلالة، بل هو كلام كفر، وهذا الرجل لأنه لم يتعلم الشريعة فلذلك هو يتكلم بهذه الكلمات الفاسدة. فتسميته ديار الكفر بأنها دار الشهادة هذه تسمية في غير محلها، كمن يسمي الخمر بالمشروبات الروحية ويسمي الربا فوائد بنكية، فهذا من الضلال المبين، لأن دار الكفر لا يقال إنها دار الشهادة، فليسوا هم شهداء على الناس حتى يعني بمعنى أن يسموا دارهم دار الشهادة، هذا لا يجوز. طيب نحن جاءنا الاسم إنها ديار يعني مفتوحة أيضا للدعوة، يعني نسميها ديار الدعوة، ماذا يبقى؟ تريد أن تقول لمثل ما قال ذلك الشخص الذي يقول سافرت إلى أوروبا فوجدت إسلاما بلا مسلمين؟ هذا الكلام غير صحيح، والذي يعرف الغرب ويعرف ما يحيكه اليهود والمتعصبون في تلك البلاد للإسلام، لا سيما وأنت تسمع وتعرف يا طارق رمضان ما فعله العلمانيون أصحابك في الدنمارك وفي النرويج ثم في فرنسا، ماذا فعل أولئك المثقفون؟ ألم يسيئوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألا يتفق المثقفون أو معظم العلمانيون على أن الحرية مكفولة للإنسان وهي حرية الرأي يتكلم بما يشاء من الكفر والفسوق؟ هل المسلم حر أن يقول ما شاء؟ نحن لسنا أحرارا، نحن عبيد لرب العبيد، نحن نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالعلمانية هي تعبيد العباد للعباد وإذلال لهم، ويتخذون اسم العلمانية لضرب الإسلام ولنشر الفساد وللضحك على المسلمين ببعض الحريات. لكن أي حرية؟ أي حرية؟ الآن أصبحت الكلمة في أوروبا وأمريكا إذا لم تعجب الساسة هناك تصنف في خانة الإرهاب، فأي مصادرة للحريات مثل مصادرتهم؟ أصبحت كلمة الإرهاب يستطيعون استخدامها في كل شيء ضد المسلمين. لماذا؟ لأن عندهم التلاعب بالألفاظ، التلاعب بالعبارات. جاءوا لك بالديمقراطية ليخدعوك ويخدعوا كثيرا من المسلمين، جاءوا لك بالليبرالية ليخدعوا المسلمين. كيف بلا ليس بيننا وبينهم مشكلات أساسية مع الغرب ومع العلمانية؟ إن دين العلمانية دين فاسد مبني على حرب الدين وتضييع الأخلاق. قل لي بربك، أين يحرم الزنا في الغرب وهو في جميع الأديان محرم؟ محرم في اليهودية والنصرانية والإسلام. لماذا هذه العلمانية تصر بقوة على الزنا؟ لما لا يحرمون تحجب المرأة، اختلاط المرأة؟ لماذا لا يحجبون النساء؟ لماذا يسمون المحجبات كل أوروبا التي يغطين وجوههن؟ هل يرضون بهذا؟ هل حريتهم توافق على هذا؟ أم يحاربون الحجاب بشتى وسائلهم ويدعون للاختلاط بشتى الوسائل؟ كذلك ديننا لا يرضى بوجود الدعوة لليهودية والنصرانية، هذه أديان باطلة تخرج الناس من الحق إلى الباطل ومن النور إلى الظلام. الذين كانوا مسلمين وذات تدعوهم اليهودية والنصرانية، أو حتى الذين لم يتدينوا بها، لا يجوز أن يدعوا إلى هذه الأديان الفاسدة. ديننا ليس دين حرية مطلقة، بل حرية العبيد لربهم. فإذا ترفعت عن هذه العبودية كفرت. الذي يترفع عن عبودية الله كفر. فنحن نعبد الله، نحن عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فتسمية ديار الكفر بأنها دار شهادة هذا من التنازل عن أصول الدين لأجل خداع نفسك وخداع المسلمين. فديار الغرب إما ديار حرب وإما ديار عهد وذم وصلح وسلم. أما أن تجعلها ديار للشهادة أو للدعوة فهذا من التحريف والإضلال. فقول ذلك القائل الحانوتي الذي يعيش في فرجينيا سابقا الآن لا أدري، كان يقول نحن لا نقول عن الكفار في أمريكا يهود ونصارى أو كفار، نحن نقول إنهم غير مسلمين فقط. لا، هم كما سماهم الله، هم كفار، هم مشركون. لكن الإنسان في الدعوة يختار العبارة التي يفهمها الناس، أما أن يحرف وأن يمنع من التسميات الشرعية فهذا لا يجوز. إذن هذا الشخص لا يفهم العلمانية بشكل أو العلمانية بشكل صحيح. فمشكلتنا قائمة مع الغرب، أولا في دينهم الكفري، ثانيا في منهجهم العلم العلماني. فالعلمانية ضد الدين، وأنت تعرف الواقع وترى كم يحرصون في بلاد الكفر على محو آثار الإسلام. وما فرنسا إلا مثال، وما فرنسا إلا مثال. لكن الكفرة عندهم يعني أمور مدروسة، فهم ينظرون إلى قوة المسلمين في ذلك البلد. هم أصلا ما استوردوا المسلمين ولا سمحوا لهم إلا لأجل دعوتهم إلى الانفتاح والفجور والفساد. يعني أنت تظن أن بلاد الغرب وأوروبا سمحوا للمسلمين بالهجرة لأجل أنهم يعطفون عليهم وأنهم يحترمون إنسانيتهم إنسانيتهم إن كنت تظن ذلك، فما أجهله من ظن وما أبعده من فكر، بل الواقع أنهم ما قبلوا بهجرة المسلمين إلا لعدة أهداف. الهدف الأول إفساد عقيدة المسلمين المهاجرين إليه. ثانيا إن لم يفسد الآباء فإنهم يحرصون على فساد الأبناء. إن لم يفسد الأبناء حرصوا على فساد أبناء الأبناء حتى يخرج من ظهور المسلمين اليهود والنصارى والمشركين. هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني ضرب الحكومات المسلمة وتشويه سمعة الإسلام بالمسلمين الموجودين عندهم بتغير أخلاقهم ولغتهم وعاداتهم ودينهم، وربما بالسماح لهم في الكتابة والظهور في الإعلام للطعن في المسلمين وحكام المسلمين ليثيروا غضب المسلمين. الهدف الثالث تجاري، وهو أن المسلمين أكثرهم عمالة أو مهندسين أو حتى جنود يستفيدون منهم مثل أي عبيد، بدل ما كانوا يذهبون من عبيد من أفريقيا صار عندهم عبيد حتى من المسلمين يستفيدون منهم دنيويا، وهم يراقبون حركة الدعوة وعندهم نسبة وتناسب، كثر المسلمون كثرت دعوتهم، قل المسلمون قلت دعوتهم، يدرسونه دراسة، وأي شخص يرونه مؤثرا ويوشك أن يفسد عليهم مخطط يرحل إلى بلده أو يتهم بالإرهاب ويسجن. لا تكن نائما غائبا عن وعيك. هذه دول وهذه ثقافات ليست بالسذاجة التي تظن. فانتبهوا لهذا رعاكم الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر أعداء المسلمين وأن يرد كيد المشركين في نحورهم وأن يعيذ المسلمين من شرورهم. Dans le document sonore en arabe que nous venons d'écouter, Cheikh Abu Omar Oussama ibn Ataya al-Utaybi hafidhahullah réfute une parole d'égarement de l'Ikhwani Tariq Ramadan, qui a malheureusement de l'influence sur beaucoup de jeunes francophones. Cependant, c'est un exemple et un échantillon des produits des Ikhwan Muflisin, Ikhwan Muslimoun, qui cumulent beaucoup d'erreurs sur le plan de l'aqida, la croyance, du minhaj, la voie à suivre, des adorations, l'ibadat, et du comportement soulouk. Pour consulter certains exemples des égarements de Tariq Ramadan, nous renvoyons nos frères au site fiable et très bénéfique Salafi au pluriel de Montréal et d'ailleurs. Cheikh Al-Usaybi Hafidhahullah dit: le questionneur me dit qu'il veut mon point de vue vis-à-vis des paroles qu'il entend de certains prêcheurs ikhwani au Canada. Ce prêcheur, dénommé Tariq Ramadan, dit: j'appelle les sociétés européennes et américaines des terres de témoignage ou d'attestation, dar shahada, au lieu de parler des terres de guerre, dar harb, et de terres d'islam. Et le terme terre de témoignage ou d'attestation signifie que nous soyons des témoins contre les hommes. Et cet Ikhwani Tariq Ramadan poursuit: et pour appuyer ceci, le premier point de départ est de considérer ces pays comme étant les leurs, et que lui aussi, il appartient aux Européens et aux Américains, et il prend de son environnement toutes choses qui ne contredisent pas l'islam, tandis que s'agissant des choses que certains peuvent penser qu'elles contredisent l'islam, nous devons retourner aux fuqaha, jurisconsultes, à ce que les sciences islamiques recommandent, ou bien on ramène des fatwas ou des opinions qui sont dans l'intérêt général des musulmans. Mais tout cela ne doit commencer qu'après une bonne compréhension de la présence de l'islam en Europe. Et cet Ikhwani continue: Le deuxième point de départ est que nous ne devons pas nous considérer comme ayant un problème avec les Occidentaux, avec les lois occidentales, non plus avec la laïcité. Car notre problème essentiel auquel nous devons faire face est le regard des gens sur l'islam. S'agissant de la laïcité, d'abord, nous devons clarifier aux Européens et aux autres que nous ne mélangeons pas les affaires religieuses et celles de la vie terrestre, de la dunya. Ce mélange n'a pas lieu en islam, car nous avons bien des adorations, ibadat, et des interactions, mu'amalat. Et si pour ce qui est des adorations, nous agissons conformément à la règle, pas d'ijtihad là où il y a un texte, l'ijtihad à ma'anas, alors les interactions sont fondées sur l'ouverture et elles partent de la norme. La règle de base dans les choses mondaines est qu'elles sont licites tant qu'elles ne sont pas limitées par une interdiction. Al-aslu fil ashiya' al-ibaha ma lam ya'ti dalil yuqayyidha. Nous devons déclarer ces règles aux gens, car nous distinguons bien les affaires religieuses et celles de la dunya, et nous puisons dans le Coran, dans la Sunna, des orientations et des finalités dans les deux domaines, et nous faisons travailler la raison dans les affaires qui regardent la chose terrestre, la dunya. Et c'est une chose que même certains musulmans ne comprennent pas. Et cet Ikhwani dit toujours, et par conséquent, nous affirmons que la laïcité en tant que liberté de religion et de croyance est une donnée garantie dans l'islam. Et nous n'avons pas de problème sur ce chapitre. Alors que s'agissant de la liberté des interactions ou transactions, le mu'amalat, l'affaire est laissée aux idées et ouverte aux divergences. Et ce sont des affaires relevant de l'essence de l'islam. À condition de ne pas comprendre la laïcité comme étant la négation de la religion, et de comprendre que la religion a un rôle important dans les sociétés, comme cela est reconnu par beaucoup de protestants, de catholiques et de juifs avec lesquels j'ai eu des discussions. Et cet Ikhwani conclut, alors moi, en tant que citoyen européen musulman, j'ai des valeurs que je crois ne sont pas en contradiction avec la laïcité, si nous la comprenons correctement. Loin de la compréhension étroite de certains intellectuels en Égypte ou en Turquie par exemple. Car la laïcité ramenée par la colonisation n'est pas celle que l'on retrouve ici en Occident, puisque la laïcité colonisatrice était contre l'islam. Néanmoins, la laïcité ici en Europe, à l'exception de certains intellectuels français, ne se dit pas contraire à la religion, étant donné que la laïcité en Europe impose la coexistence et que les religions soient libres. Le questionneur dit que cette parole est de Tariq Ramadan. Et donc nous référons au site que j'ai indiqué, moi traducteur, donc que j'ai indiqué Salafi du Nord, on la retrouve sur ce site. La réponse du Cheikh Abu Omar Osama bin Ataya al-Utaybi hafidahullah. Il dit, cette parole dite par Tariq Ramadan est une parole d'égarement, plus c'en est une parole de mécréance, kufr. Cet homme, étant donné qu'il n'avait pas appris la charia, religion musulmane, voilà pourquoi il s'exprime en ces paroles corrompues. D'abord, le fait qu'il appelle la terre de mécréance une terre de témoignage ou d'attestation, d'al-shahada, ceci est une appellation ceci est une appellation qui n'est pas à sa place. Elle est comparable à celui qui appelle l'alcool, al-khamr, une boisson spirituelle, mashroubat ruhiya, ou celui qui appelle riba des intérêts bancaires. Ceci relève de l'égarement clair, car la terre de mécréance Dar al-Kufr ne s'appelle pas une terre de témoignage Dar al-Shahada. Et ils ne sont pas des témoins contre les gens, dans le sens où c'est pour cela que leur terre sera appelée une terre de témoignage Dar al-Shahada. Cela n'est pas permis. Le nom nous est parvenu également que ces pays sont ouverts à la da'wa. Allons-nous les appeler pour ainsi des terres de da'wa, diyar da'wa? Que va-t-il rester alors? Tu veux dire, comme un certain homme avait dit, j'ai voyagé en Europe et j'ai trouvé un islam sans musulmans? Cette parole n'est pas correcte. Et celui qui connaît l'Occident et qui connaît ce que tissent les juifs et les fanatiques dans ce pays-là contre l'islam, surtout que tu entends et que tu sais, ô Tariq Ramadan, ce qu'avaient entrepris les laïcs, tes amis, au Danemark, en Norvège et puis en France, quelle était alors la réaction de ces prétendus intellectuels? N'avaient-ils pas porté préjudice au prophète sallallahu alayhi wa sallam? N'est-ce pas que ces intellectuels ou bien la majorité des laïcs sont d'accord pour dire que la liberté est assurée? Et c'est de la liberté d'opinion qu'il s'agit. L'homme peut proférer ce qu'il veut de mécréance, le kofr, et de perversité, le fosouq. Est-ce que le musulman est libre de dire ce qu'il veut? Nous ne sommes pas libres. Nous sommes plutôt des esclaves du Seigneur de toutes les créatures. Nous faisons sortir les hommes de l'adoration des esclaves à celle du Seigneur des hommes. Or, la laïcité est une manière de rendre l'homme esclave de son semblable esclave. C'est une voie d'humiliation des hommes. Et ils utilisent le terme laïcité afin de frapper l'islam et pour répandre la corruption, ainsi que pour se moquer des musulmans en leur promettant certaines libertés. Mais de quelle liberté s'agit-il? De quelle liberté? Aujourd'hui en Europe et en Amérique, si un mot déplaît aux politiciens là-bas, tu seras catégorisé dans la liste du terrorisme. Y aurait-il une usurpation des libertés plus grande que celle-ci? Il se fait maintenant que le terme terrorisme, il serait capable de l'utiliser pour n'importe quoi contre les musulmans. Pourquoi? Car ils se jouent des expressions et des termes. Ils sont venus à toi avec la démocratie pour te tromper et pour tromper beaucoup de musulmans. Ils sont venus à toi avec le libéralisme pour tromper les musulmans. Comment pourrais-tu prétendre qu'il n'y aurait aucun problème entre nous et eux? Pas de problème fondamental avec l'Occident et la laïcité? Sache que la religion dite laïcité est une religion pourrie, fondée sur la guerre contre les religions et contre la religion par excellence qui est l'islam. Et elle est fondée sur la perte de toute morale. Dis-moi par ton Seigneur. Dis-moi par ton Seigneur. Où la fornication ou la prostitution, zina, serait-elle interdite en Europe? Alors qu'elle est bien interdite dans toutes les religions, interdite dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pourquoi cette laïcité insiste fort pour maintenir la prostitution, zina, pour la maintenir légale? Pourquoi ne l'interdisent-ils pas? Le hijab pour la femme, la mixité, pourquoi ne font-ils pas porter le voile hijab aux femmes? Comment appellent-ils les femmes qui portent le voile islamique, le hijab, dans toute l'Europe? Acceptent-ils celles qui couvrent leur visage? Est-ce que leur liberté admet cela? Ou bien est-ce qu'il déclare la guerre au hijab par tous les moyens et ils appellent à la mixité par tous les moyens? De même, notre religion n'accepte pas qu'on admette une da'wa, un appel au judaïsme ou au christianisme. Ce sont des religions fausses qui font sortir les gens de la liberté à la fausseté, de la lumière aux ténèbres. Ceux qui étaient musulmans, serait-il correct d'admettre de les appeler au judaïsme et au christianisme? Ou bien même ceux qui ne pratiquent pas ces religions fausses, il est illicite d'admettre de les y appeler. Notre religion n'est pas celle de la liberté absolue, mais plutôt la liberté des esclaves face à leur seigneur. Et si jamais tu veux t'échapper de cette servitude, tu succomberais dans la mécréance, dans le kufr, iyazan billah. Celui qui rejette la servitude pour Allah devient mécréant, yakfur. Or, nous adorons Allah, nous sommes les serviteurs, les esclaves d'Allah. Allah dit, et les esclaves du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent, paix. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Donc, appelez les pays de mécréance, bilad al-kufr, les appelez pays de témoignage, bilad shahada, ceci relève de la concession pour des fondements de la religion. Et tu vises par là à te tromper toi-même et à tromper les musulmans. Les pays occidentaux sont ou bien des terres de guerre, dar harb, ou bien des terres de pacte, d'accord et de paix, diyar ahd, wa sulh, wa silm. Or, que tu les changes en terres de témoignage ou de da'wa, ceci relève de la falsification, al-tahrif, et de l'égarement, al-idlal, comme la parole de ce Hanouti, qui vivait en Virginie avant, et aujourd'hui je ne sais où, qui disait, nous ne disons pas des koufars comme les juifs et les chrétiens qui vivent en Amérique, qu'ils sont des koufars mécréants. C'est plutôt que nous les taxons seulement de non-musulmans. Oh non, ils sont comme Allah les avait appelés, ils sont koufars mécréants, kafara, ils sont mushrikoun, associateurs. Cependant, dans la situation de da'wa, on choisit l'expression que les gens comprennent, mais de déformer les termes religieux ou d'empêcher de les employer, ceci est illicite. Donc cette parole de Tariq Ramadan, Tariq Ramadan, ne comprend pas la laïcité correctement. Notre problème avec l'Occident se situe primo au niveau de leur religion falsifiée, kufr, et secondo, au niveau de leur idéologie laïque, car la laïcité est l'anti-religion. Et tu connais la réalité, et tu vois combien ils insistent pour enlever toute trace de l'islam dans les pays de kufr. Et la France n'est qu'un exemple de cela. Ces mécréants ont étudié ces choses, ces kafaras, ils ont étudié ces choses. Ils observent la force des musulmans dans tel pays. Déjà en principe, ils n'ont fait venir les musulmans que pour les inviter à ce qu'ils appellent ouverture, et donc à la perversité et à la corruption. Crois-tu, ô Tariq Ramadan, que les pays occidentaux, y compris l'Europe, auraient permis aux musulmans d'immigrer dans leur pays pour une raison d'affection ? Et qu'ils respectent leur humanité? Si tu le crois, alors quelle pensée ignorante et quelle idée éloignée de la vérité. Mais en réalité, ils n'avaient accepté l'immigration des musulmans que pour atteindre plusieurs objectifs. Le premier objectif, corrompre la aqida des musulmans qui immigrent chez eux. Et si les pères ne sont pas finalement corrompus, alors ils s'acharnent à pervertir les enfants. Et si jamais les enfants ne succombent pas et résistent à leur tour, ils déploient des efforts pour corrompre les enfants de ces enfants jusqu'à ce qu'ils sortent de la progéniture des musulmans, des juifs, des chrétiens et des associateurs, yahoud, wa nasara, wa mushrikin, iyadan billah. Ceci est leur objectif primordial. Le second objectif est de frapper les gouvernements musulmans en déformant la réputation de l'islam par le truchement des musulmans présents chez eux, par le changement de leur morale, langue, tradition et religion, et peut-être même en leur permettant d'écrire et de paraître sur les médias afin de critiquer les musulmans et leurs dirigeants et arriver à aviver la colère des musulmans. Le troisième objectif est commercial, puisque la plupart des musulmans chez eux sont des travailleurs ou ingénieurs, voire des soldats. Ils les exploitent comme des esclaves. Auparavant, ils ramenaient des brutes de l'Afrique. À présent, ils possèdent des esclaves même parmi les musulmans. Ils en profitent pour la chose terrestre, la dunya. Et ils observent le mouvement de la da'wa. Et ils ont des pourcentages et des probabilités. Les musulmans ont augmenté. Leur da'wa serait en hausse. Leur nombre diminue. Leur da'wa régresse. Et ils l'étudient très au sérieux, minutieusement. Dès qu'ils remarquent qu'une personne est influente et risque de fausser leur plan, ils l'extradent vers son pays ou bien il est accusé de terrorisme et relégué en prison. Note du traducteur. Il y a lieu ici de préciser que Cheikh Al-Usaybi parle des personnes influentes qui sont les prêcheurs et les prédicateurs salafis ayant de la science et ne vise pas, bien sûr, les takfiris qui se comportent mal et qui nuisent à l'islam et à la da'wa salafia. Cheikh Al-Utaybi fait allusion ici aux frères qui œuvrent pour une da'wa correcte, la salafia, et qui ont de la science et qui donc invitent à l'islam par la preuve claire et par les arguments irréfutables, laquelle da'wa trouble le plan des gouverneurs occidentaux et menace leurs idéologies et leurs mensonges. Cheikh Al-Usaybi poursuit en s'adressant toujours à Tariq Ramadan. Ne sois pas dormeur ou inconscient. C'est là des états et des cultures. Ils ne sont pas à prendre avec cette simplicité que tu penses et que tu imagines. Alors faites attention, mes frères, qu'Allah vous protège et j'implore Allah pour vous et moi qu'il nous accorde succès, justesse, la bonne guidée et la droiture. Et je lui demande, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous épargne le mal des ennemis des musulmans, qu'il renvoie les ruses des associateurs contre eux-mêmes, et qu'il préserve les musulmans contre leur mal.